Chapitre 14e. La petite maison blanche. Peu de temps après son départ de Saint-Bast, Armand Louis était installé dans une auberge, non loin de Gothenburg, entre la ville et la résidence du roi. Il se présenta chez Gustave Adolphe le matin même de son arrivée. Gustave Adolphe était occupé. Armand Louis, qui n'avait rien oublié des recommandations de M. de Pardaillan, demanda à parler au capitaine de service. Un beau et grand jeune homme parut. Tirant de sa poche un grand pli scellé d'un cachet de cire vierge aux armes du marquis de Pardaillan, Armand Louis le remit aux mains du capitaine. « C'est de la part de monsieur le marquis de Pardaillan, » dit-il, « et monsieur de Pardaillan attend une réponse. Si sa majesté le roi m'ordonne de porter cette réponse, où et à qui devrais-je m'adresser ? Je suis descendu à l'auberge du Saumon Couronné, et vous demanderez monsieur le comte de la Guerche. » Les deux jeunes gens échangèrent un salut et se séparèrent. En attendant la réponse du roi, Armand Louis, qui n'avait rien à faire, se promenait dans les environs. Il les trouvait charmants, avec quelque chose d'étrange que n'avaient point les paysages de la grande fortelle. Cependant, il lui semblait que ces paysages manquaient de lumière. Cette lumière, c'était Adrienne, à laquelle il pensait toujours. Que faisait-elle? À quoi songeait-elle? Jean de Berthe, l'exécré Jean de Berthe, était-il auprès d'elle? Quelle clarté tout à coup et quelle grâce dans ce coin de terre inconnue si subitement Mademoiselle de Souvigny s'y fut rencontrée. Ainsi rêvant, Armand Louis allait du rivage que battait la mer infatigable au bois voisin que le vent secouait. Les murmures du flot et les murmures des sapins berçaient son rêve. Il y avait non loin de la côte, tournée vers le midi, une maison de modeste apparence, mais gracieuse, à laquelle de beaux arbres faisaient une ceinture. Des plantes grimpantes en tapissaient la façade qui riait au soleil, toute blanche sous un rideau vert. Quelque chose s'exhalait de cette maison qui plaisait à Armand Louis. Il la regardait longtemps chaque jour. Il pensait que la vie auprès d'Adrienne y serait belle. Deux ou trois fois, et tandis qu'il était couché au pied d'un jeune chêne, il vit passer derrière des massifs d'arbustes une ombre légère qui glissait sur le gazon. Que n'était-ce Adrienne ? Les sons d'une voix argentine arrivaient parfois à son oreille. Un page aurait pu croire qu'une jeune fille habitait la maison blanche. Mais Armand Louis n'avait plus l'âge heureux d'un page. Il pensait donc qu'une femme, qui avait des raisons pour rester inconnue, y cachait son bonheur comme dans un nid. Un soir, il vit apparaître sur le rivage un cavalier dont le cheval tout écumant faisait voler le sable. Le cheval et le cavalier atteignirent en quelques bonds une haie qui tournait autour de la maison solitaire et la franchirent d'un seul élan. « Oh oh !» fit M. de la Guerche. Le même cavalier monté sur le même cheval parut le lendemain à la même heure. La haie du jardin ne leur sembla pas plus difficile à franchir. « Tout inconnu suppose un inconnu !» murmura M. de la Guerche. Un matin, Armand Louis, à qui le souvenir d'Adrienne, mêlé à celui de Jean de Verte, ne laissait pas beaucoup de sommeil, entendit tout à coup sur la plage le galop d'un cheval. Par désœuvrement, il se mit à sa fenêtre. Il reconnut le cheval à sa robe noire et le cavalier à son manteau blanc. Mais au lieu d'arriver du côté de la ville, il s'éloignait rapidement de la maison solitaire. Tel Jupiter, quand il rendait visite aux mortels, disparaissait au premier feu du jour, murmura Armand Louis. Quand le cavalier passa auprès de M. de la Guerche, un pli de son manteau blanc s'écarta. Armand Louis aperçut comme dans un éclair le visage d'un beau jeune homme tout animé d'une expression martiale. Il le salua. Le jeune cavalier le regarda un peu surpris, lui rendit son salut avec courtoisie et précipita sa course. « Quel regard ! Deux jets de flamme !» dit Armand Louis. Cependant, la réponse du roi n'arrivait pas. Lorsque M. de la Guerche se présentait au château de Gustave Adolphe, le capitaine de service lui disait invariablement que Sa Majesté était en affaires. « Les papiers que vous avez apportés sont dans son cabinet, sur sa table. « Attendez, » reprenait-il. Armand Louis attendait encore. Un soir, à l'heure de sa promenade accoutumée, il aperçut trois hommes enveloppés de grands manteaux qui se glissaient le long de la haie, dont les fleurs et le feuillage fermaient le jardin de la petite maison blanche. Bientôt après, ils se blottirent dans le petit bois voisin de la maison. « Si mon ami Renaud était ici, il dirait qu'il flaire une aventure. » pensa Armand Louis. Le cavalier monté sur le cheval noir parut peu d'instants après, franchit la haie et s'enfonça dans le jardin. Les trois hommes sortirent de leur cachette et s'éloignèrent à grands pas. « Ce sont des coupeurs de bourse, » Ils ont eu peur, pensa de nouveau Armand-Louis, qui regagna lentement l'auberge du Saumon Couronné. Si M. de la Guerche avait suivi ces trois inconnus, peut-être eût-il changé d'opinion. Il les aurait vus s'arrêter dans un cabaret de vilaine apparence, au fond d'une crique, et s'enfermer dans un cabinet qui n'avait qu'une fenêtre sur la mer. Le plus grand des trois déboucla son ceinturon et frappant du poing en avalant un verre d'eau-de-vie. « Affaire manquée, mais j'ai reçu la somme, et un honnête homme n'a que sa parole. »« Des scrupules, » murmura son voisin, un vilain maigre qui avait des moustaches en croc. « Imbécile, si je réussis, le duc m'a promis 500 écus d'or. »« 500 ? » ?»« Rubis sur l'ongle. » Voilà des raisons, et je comprends maintenant que vous teniez votre parole. « Alors nous attendrons, » dit le troisième, qui avait le nez camard et les yeux de travers. « Le gîte n'est pas mauvais, » répondit le plus grand. « Nous y dormirons. Une nuit est bientôt passée, quand on a de l'eau-de-vie et du jambon. Si le duc ne nous a rien fait dire, demain, à pareille heure, nous retournerons à notre poste. Gottlieb amènera les chevaux auprès du bois, Pétrus conduira la voiture, et s'il plaît au grand saint mon patron, nous gagnerons les 500 écus d'or. » Le maître du cabaret apporta du jambon fumé, 3 brocs, de la chandelle et ferma la fenêtre. Une sympathie qu'il ne raisonnait pas attachait M. de la Guerche au beau jeune homme qui galopait sur le cheval noir. Poussé par un instant secret, il voulait voir, le lendemain, si les coupeurs de bourse entraient de nouveau le petit bois. À la même heure que la veille, il les aperçut se glissant le long des arbres. Le bout de leur rapière soulevait le bord de leur manteau. Presque au même instant, un homme qu'il n'avait pas encore remarqué s'arrêta sous la lisière du bois, conduisant 3 chevaux de main, scellés et bridés. « Voilà qui prend figure, » dit Armand-Louis. « Quel malheur que Renaud ne soit pas ici. » Armand-Louis eut la pensée de faire le tour du jardin. Près d'une porte qui s'ouvrait sournoisement entre 2 épais buissons, dans un chemin creux, il rencontra une voiture attelée de 2 vigoureux chevaux, 2 laquais, sans livrer aux portières, un cocher sur le siège. « Oh oh !» fit-il. « Cela m'étonnerait bien si on n'avait pas quelque projet contre l'inconnu de la Maison Blanche. Pareille chose a failli arriver à Mademoiselle de Souvigny. » Ce souvenir le détermina à ne pas quitter la place sans avoir vu la fin de l'aventure. Mais d'abord il s'assura que l'épée jouait aisément dans le fourreau, le poignard et les pistolets dans la ceinture. La nuit était venue, nuit claire et limpide à laquelle des milliers d'étoiles prêtaient leur clarté. Le disque aminci de la lune courbait son croissant dans le ciel. En observant mieux dans la transparence de la nuit les personnages auprès desquels le hasard venait de le pousser, Armand-Louis s'imagina qu'il les avait déjà rencontrés quelque part. Malheureusement, sa mémoire ne lui fournissait aucun détail précis. Était-ce à la Grande Fortelle avec les cavaliers de M. de Pappenheim, en Flandre avec les coupe-jarret de Don Gaspard et du seigneur Mathéus? Il eût été fort en peine de le dire, mais ce premier soupçon l'affermit dans sa volonté de rester jusqu'au bout. Au moment où M. de la Guerre cherchait un endroit d'où il put tout observer sans être aperçu, il entendit le galop d'un cheval. Un cavalier lancé à toute bride passa devant lui, s'enfonça dans le bois et disparut comme un fantôme. Il avait la même taille et le même cheval noir que M. de la Guerche avait déjà vu plusieurs fois. Une voix intérieure lui cria cependant que ce n'était pas le même cavalier. Quelque chose l'en avertissait, ce sentiment indéfinissable peut-être, qui fait reconnaître aux sauvages le pas d'un ennemi au milieu de 1000 autres pas confondus dans une prairie. 5 minutes après, le cavalier reparut, jeta un regard rapide dans l'ombre, sauta par-dessus la haie et entra dans le jardin. Armand-Louis se glissa hors de sa cachette et rampa dans la direction qu'avait prise le cavalier. Comme il approchait de l'endroit où le cheval s'était enlevé, un objet brillant qu'un rayon de la lune faisait étinceler dans l'herbe arrêta son regard. C'était une chaîne d'or d'un merveilleux travail, à laquelle était suspendu un poignard de merci. L'un des chaînons était cassé. Armand-Louis ramassa le bijou et le glissa dans sa poche. « Bon, un homme de cour, » pensa-t-il. Un bruit confus de pas lui rappela qu'il n'était pas seul en sentinelle, et se couchant dans l'ombre de la haie, il gagna en rampant un endroit couvert. Là, il se mit à réfléchir. Il était clair que s'il se portait franchement à la rencontre des 3 hommes qui venaient de quitter leur retraite, une bataille dans laquelle il pouvait n'être pas le plus fort s'ensuivrait nécessairement. Il fallait donc recourir à la ruse. Si vraiment les individus qui rôdaient autour du jardin en voulaient à la liberté de celle qui en paraissait la maîtresse, la voiture qui attendait dans le chemin creux lui était destinée. C'était donc de ce côté-là qu'il fallait se diriger. Quand il y parvint, le carrosse n'avait pas changé de place. L'un des laquais, debout sur le revers du chemin, regardait dans la direction du jardin. « Eh bien ?» demanda le cocher. « Rien encore, » répondit le laquais. Armand-Louis pensa qu'il ne s'était pas trompé. Essayant alors sur son doigt le fil de sa dague et s'entourant de sa cape comme d'un bouclier, Monsieur de la Guerche sortit résolument du bois dont il venait de suivre la lisière. « Est-ce toi, Conrad ?» lui cria le cocher. Armand-Louis pressa le pas et s'approcha de la voiture. « Je suis un gentilhomme et monsieur égaré, » répondit Armand-Louis. « Ne pourriez-vous pas m'indiquer le chemin de Gothenburg ?»« Gentilhomme ou non, camarade, passez votre chemin, » répliqua le cocher. Monsieur de la Guerche appuya tranquillement sa main gauche sur la croupe d'un cheval de manière à dissimuler les mouvements de sa main droite occupée à trancher les traits. « Je parle poliment, répondez poliment, » continua-t-il. « Hein ? Si je cassais la tête à ce raisonneur ?» reprit le cocher qui tira un pistolet de dessous sa souquenille. « Paix !» répondit le laquais qui était près de la portière. « Tu sais bien qu'on nous a recommandé de ne faire aucun bruit. Hé, l'ami, vous demandez le chemin de Gothenburg ?» Armand-Louis se hâta de passer de l'autre côté de manière à serrer la croupe du second cheval. « Et comme une indication vaut une récompense, je paye, » dit-il. Le laquais se baissa pour ramasser le rixdaler qu'Armand-Louis venait de lui jeter. Mais si prompt que fut son mouvement, il permit à Monsieur de la Guerche de couper les traits du côté gauche comme il avait déjà coupé ceux du côté droit. « Traversez le bois, suivez le sentier que vous rencontrerez, le chemin de Gothenburg est au bout, » dit le laquais. « Merci, vous savez répondre, vous, » répliqua Monsieur de la Guerche, qui fit mine de s'enfoncer dans le bois. Mais au bout de 3 ou 4 minutes, il revint sur ses pas et se blottit derrière le tronc d'un sapin. De l'endroit où il se trouvait, et par une échappée, on distinguait la porte pratiquée dans la haie éprise entre deux buissons. Deux hommes à cheval s'y tenaient immobiles. Tout à coup, la porte s'ouvrit violemment et un cavalier, suivi de deux valets qui emportaient une femme entre leurs bras, parut à l'entrée du chemin creux. Ce n'était pas celui qu'Armand-Louis avait vu tout à l'heure sur un cheval noir. « Vite, au carrosse !» cria ce cavalier. Les deux valets pressèrent le pas. Un laquais ouvrit la portière. Son camarade abattit le marchepied. « À moi !» cria la femme qui se débattait. Armand-Louis sauta sur la route. Cependant, les deux valets avaient réussi à pousser la femme dans la voiture. Déjà l'un d'eux, pour étouffer ses cris, roulait un voile autour de son visage. « À moi !» cria-t-elle encore, et sa voix expira dans les plis du voile. Deux laquais à cheval prirent la tête du cortège, un autre se plaça près du carrosse, à gauche. Le cavalier qui paraissait leur chef prit la droite. « Fouette, cocher, et au galop » cria-t-il. Le fouet tomba sur la croupe des chevaux, qui partirent. Mais retenus par leur collier seulement, ils imprimèrent une secousse au carrosse qui ne remua pas et s'arrêtèrent court. « Tonnerre !» cria le cocher. « On a coupé les traits !» Armand-Louis s'approcha, l'épée nue à la main. Son autre main, cachée sous le manteau, tenait d'un pistolet. « Une femme est là qui a crié. Que se passe-t-il donc » demanda-t-il d'une voix haute. « Arrière !» répondit l'un des cavaliers qui poussa son cheval contre Monsieur de la Guerche. « Mon ami, joue en franc jeu, » répliqua le huguenot, qui mit son épée sous le nez du cheval. Un coup de pistolet lui répondit, mais la balle, mal ajustée, se perdit dans le talus du chemin. « Tu l'as voulu !» dit Armand-Louis. Il leva son arme et fit feu. L'homme tomba. Son camarade fondit sur Monsieur de la Guerche, mais évitant le choc par un saut rapide, Armand-Louis, d'un coup d'épée enfoncé en plein corps, fit rouler son ennemi par terre. « Au troisième, à présent !» reprit-il froidement. Mais déjà le troisième était sur lui, l'épée haute. La lumière de la lune éclairait en plein sa taille puissante et sa barbe rouge. « Le capitaine Jacobus !» s'écria Monsieur de la Guerche. À son tour, le capitaine Jacobus l'avait reconnu. « Encore toi ? Maudit ! Cette fois, tu paieras pour deux ! Prends garde ! Nos rencontres ne te portent pas bonheur, beau capitaine !»« À moi, les autres !» hurla le capitaine Jacobus, qui se jeta sur Monsieur de la Guerche. Les deux valets qui étaient restés près du carrosse accoururent et lâchèrent deux coups de mousqueton. L'une des balles perça le chapeau d'Armand Louis, l'autre déchira son pourpoint. « Maladroit !» dit monsieur de la Guerche, et il riposta par un coup de pistolet qui jeta sur le carreau le plus proche des assaillants. Mais il avait encore deux ennemis à combattre, et deux ennemis secourus par le cocher, ce qui faisait trois hommes déterminés. Il s'établit solidement dans un angle du chemin, et sûr au moins qu'on ne pouvait pas l'attaquer par derrière, il présenta bientôt au capitaine Jacobus et à ses acolytes son épée nue et son bras gauche roulé dans les plis de son manteau. On n'entendit bientôt plus que le froissement du fer. Quelquefois, une sourde imprécation annonçait que la pointe d'une épée avait déchiré un lambeau de chair. Le combat recommençait alors plus âpre et plus ardent. La rapière de M. de la Guerche traçait un cercle flamboyant autour de lui, mais quelque fût son adresse à parer les triples coups qui lui étaient portés, il n'espérait pas sortir vainqueur de cette lutte. Déjà son bras se ressentait des efforts qu'il faisait pour résister à des attaques multipliées. Des gouttes de sang tachetaient çà et là l'étoffe de son pourpoint. « Ferme ! Poussez !» cria le capitaine. « À moi, Pétrus !» Le capitaine ne pensait plus aux 500 écus d'or, la seule pensée de la vengeance l'occupait. Pétrus, qui s'employait à réparer les traits coupés par Armand Louis, quitta le carrosse. Mais au moment même où il tirait sa rapière de la gaine, il vit apparaître un homme à cheval sur le sentier qui longeait la haie. « Le cavalier noir, sauf qui peut » cria-t-il, et grimpant le talus, il s'enfonça dans le bois à toutes jambes. Il y eut une minute d'hésitation parmi les assaillants. Armand Louis en profita. Une attaque aussi prompte que la foudre le débarrassa d'un laquais qui s'abattit sur l'herbe, la gorge ouverte. Le cocher inquiet recula. « À moi ! À moi !» cria tout à coup la prisonnière qui venait de sauter à bas du carrosse et courait sur la route. Une voix lui répondit dans l'ombre. « Tonnerre ! Le comte de Vazaborg !» exclama sourdement le capitaine Jacobus. Il hésita une seconde, mais cette victoire qu'il n'avait pas obtenue tout à l'heure, pouvait-il l'espérer à présent qu'il était seul? Son cheval était près de là. D'une main furieuse, il le saisit à la crinière et s'élança sur son dos. « Au revoir donc !» dit-il, et il partit à fond de train, suivi du cocher qui galopait lourdement sur un des chevaux du carrosse. Armand Louis se sentait trop las pour les poursuivre. « Ah, pauvre Renaud, où étais-tu » disait-il en essuyant son épée dans des touffes de bruyère.